Ouais, cette vie nous écorche, mais on sourit dans les cordes. On n'est pas mort, fuck, juste des fruits pourris de notre époque. Ça rend paro où il tout bib, oublie les hauts, le ciel tout gris, sous tisse. On tourne en rond comme des toupies qui éclatent et c'est rien de bon, à part peut-être un frère ou deux. On veut graille dans le gâteau, les trois quarts on est tout queuse. J'veux que la basse casse, nage comme un requin entre les basses. Car ici y'a pas de star, on te met la pression comme le Pascal. On arrive fort comme une armée de Saiyan. Ça y est, je renais de mes cendres comme Adesanya. Je baise ce monde de pédérastes où l'on crée des races. Poto, j'ai pris des crasses par ceux qui m'embrassent. Dans ce monde vicieux et sale, autant bazar, t'es le putain à perte. Je danse dans les flammes comme si je n'avais plus rien à perdre. Hein, j'ai pas fait le tour de la terre, mais j'ai vu l'aigreur de l'asphalte. Là où poser le genou à terre reste une erreur fatale. Rien que je crache des tas de phases, en vrai j'ai pas le taille. Mais même si je parle pas la con, tu vas se manger des tas pas. Vos débats sont drôles, mais je retiens la lame. Faudrait que je fasse PDK, mon taux de traître tient la lame. C'est la base, entre vice et blasphème, l'ombre est tombée. Jusqu'à en finir par terre, on se met foncé. Je croise un tas de gars dévastés, et le bon s'est trompé. Je voulais voir la face cachée de l'iceberg, donc j'ai plongé. Y'a ce décor, alors les sons tapent que l'horizon. Tu croiseras des rires sombres, des corps à l'horizontale comme l'horizon. On s'en saoule et c'est pur crâne. Bien sûr qu'il y a des plus crâne. En dessous, on est plus de 100, zoom sous ces pulcrades. La police teste et nous y menaçante. On sait c'est nul dans ces cellules, la politesse, on nous y menaçant. On a que but d'être orageux. Pas de coup de foot quand l'angle coule full, elle n'a que but d'être orageuse. Ainsi tu les trouves assidus, t'es bête ou taciturne. Ils parlent de bédota, c'est dur, ton bédota c'est une. L'équipe tous fuit nos rimes gamines. On ricane vu que je les plie tous, à croire que je suis de l'origami. L'on sait, j'ai envie de le faire, j'ai placé 10 000 repères. Furtif à la Splinter Cell dans le système du groupe Bilderberg. Et je fais des sons. Il faut que tu frémisses, des éclairs de génie. Demain pour le bénéfice, on misera fort sur le génisme. J'ai vu ce que j'avais prédit, dire que ça les faisait rire. Frérot, la culture de l'esprit s'est faite bouffer par l'esthétique. Tu le ressens quand ça vient des tripes. Et y'a bien plus de 4 ans de maîtrise, pas tant de bêtises. Quelques doigts d'un ouest, ça se voit sur le cadran métrique. J'avance la tête dans le guidon, un salaire en kickant. Mais rime, ça les remplit quand t'es toi, t'as toutes tes dents qui tombent. Tu vas me kiffer, attends que je m'installe, guette le dépassement. J'alterne les placements et ont tout mis dans le même sac. À trop affûté des phases, mes syllabes sont devenues silex. Nombre de fois où les réponses ont été régies par la colère. Crise de nerfs au propos des placés qui partent en excès de zèle. Désolé mais c'est ainsi, des fois ça fait des étincelles. Certains psy diront que je suis fait les bons casse murés dans le silence. Mais quand je rappe ça fait l'effet des tonnes de manière hallucinante. Et je pense qu'à penser des plaies en touchant ma paye. Jamais plus riche d'user de tout ce que les erreurs m'apprennent. Bousillé, mon crâne l'est, la faute à ma gamberge. Sont-ils bien outillés, moi je fais le taf comme personne. Tous tributaires de ce qu'on a vécu. Si t'es mon frère, on se check de l'épaule en se pétant la clavicule, hein. Écarte les gosses et les âmes sensibles. J'arrive en balle, assombri, je vois plus les éclaircies depuis mon team en bas. Une grosse odeur de weed, c'est qu'il y a ma team en bas. Bien loin des carrés vides, pas de raccourci pour ceux qui triment en cage. Une vision large vaut plus qu'une Daytona. 3 points, j'arrive dans le money time. Dame dollar, cage dollars. J'suis venu pour becter dehors ces dages, compte pas y rester. Me parle pas de respect, non. J'ai sur la corde, ça c'est mon côté macabre. Putain, quelle rime de bâtard, j'm'en tape de la médaille d'or. Il me faut les sous des Qataris, des quartiers, ça vient des towns, l'envers de la pyramide.